Écoutez-moi, peuple fidèle. Si j'entends bien nos saints écrits, les temps de l'heureuse nouvelle sont sur le point d'être la semaine mystérieuse que vit de si loin Daniel s'avance pour ouvrir le ciel à la nature après tout le bruit et l'éclat du changement des monarchies. Tout est dans le tranquille état. Tout est dans le tranquille état. Demande les prophéties. Demandons-en les faits, demandons-le toujours. Heureux, heureux, si c'était ton nom. Heureux, heureux, si c'était ton nom. Sur les bords des yeux, les mains, et ton cœur. Thank you. Schon.